vie impossible. Et pourtant, on l'a traversée. C'est qui la basse? Ah non, Graham. Gracias. Trop tard, elle est partie. But in German, it's more scary. Ich habe eine Luftballon gegessen. I know. That's me. Ja, ich habe vergessen, aber ich weiß. Hello, Mr. M. Don't you say hello when you come in? What the fuck? Trumpist? Accent frais? Non. Das ist unmöglich. But maybe. Ist sehr wohl möglich. Ok. Sehr wohl. Non, pas sehr wohl. Bon, merde. Ich habe 2 Jahre in Dortmund gelebt. Kinda what? Kinda grüß, ouais. American. Go to the bakery and never say hello. The fuck? Mr. M, imagine you enter in the bakery to get some bread. So, you say hello. Non. une brochonne. For you. You have anyway, you have McDonald's. You gonna have some McDonald's. Carotte, get back at your music and stop to type. Need your comment. Thank you. Do you know I am tired? C'est normal, il y a Sharon inside. Cette musique qui fond au fond de moi. Ah, elle se rend pas te dire combien elle existe. Mais non. Never say this. Where do you get that French? until what? Rejoue-moi cette terre et dis-moi que la musique entraîne the same like in Germany, baby. 1 AM. No, it changed in May, I think. We have summertime. Yes, you can. Of course you can. Et la musique nous entraîne et nous pourrons tous jouer. Oh oui. Quand tu me feras vibrer toute la nuit, sera tous forts. Bravo, monsieur, aime ta musique est vraiment sympathique. Quand la musique me reprend et j'ai des frissons. On entendra ces sons, on sera tous au ciel. Oh, oh. Encore, monsieur M, continue cette musique, elle me plaît. Oh, oh. Ah, ah, ah, ah, ah, no music anymore. Oh, ah, ah, ah, ah, what are you doing, boys? Oh my God, it's so late. Okay, what next? No, 1 and 1 is 11. Ah, of course, Mr. M, you just come in. For you, what time it is, d'ailleurs? Attends, America, il est +8. For you, it's in the morning, no? Yes, 6 p.m. Ah, oui. So. You just woke up. Is he still sitting on the door? Oh my God, I don't read this. What? Oui, Mr. M, Sharon, présente. Sérénade. D'abord, il faut que je déchiffre ce qu'est une sérénade pour toi, monsieur M. Didi. Quand tu me prends dans tes bras et que tu me dis tout bas, je vois la vie en rose. Come on, play me this, but reggae version, please. Oh non, pas Céline Dion. I hate Céline Dion. Oh merde! Un problème. Oui, bon. Mère Vasseur. Oh, good idea, Vasseur. Where? I be right back. Bon, Mr. M, la vie en rose, s'il te plaît. Que vas

les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'autre que j'appartiens. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la. Bon, little boys, I have to go sleep. La la la la la la la la la la la. This was very nice and fun. I hope you enjoy and you play. La la la la la la la la la la la la la la la. It's late. And I have to go to the doctor in the morning. I will look like hell. This is very fun, I don't want to go, but I have to. You are already good to play music. And we enjoy this evening with you all. Possible to go. The music blew me out my chair in here. Have you an imagine? Da da. Je sais plus ce que je vais dire. Imagine. Music is a glue. What? Glue you at your chair. Thank you. If you continue to play, I don't can go. It's too hard to let you out. Go. Marcello! I love you all. Marcello, come sta? Obrigado. Cool, thank you. Great. Nice to see you again. What? And I, Graham is very good on bass. Better than me, huh? That's for sure. Et bravo, Varga. Отличная работа! Capiro. Picto. You don't go to bed. As long as I stay, you stay. Yeah, carotte. На здоровье. Спасибо. Спасибо. Да. Non, c'est pas Kaputov, Capito. Marcello, what time is in Brazil? No, Mr. M, thank you very much, but no, not really the doctor, the translation. Physiothérapie. For my neck. Merci beaucoup. Crax. Non, non, crack. Thank you very much. Have fun. And see you soon again. Don't worry, I will come back soon. I won't let myself get down. Da da da da da. So have all a good night. Da da da da da. And I see you soon. No? I hope to see you tomorrow again. Thank you, Marcello. Obrigado. Thank you.